originalité. C'est fou, 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, ce n'est pas mal, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 13 au 19 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante et on est ensemble pour 3 heures de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Mm-hmm. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, dans la première heure, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés dans Palmarès in Peace. Dans la deuxième, on va entendre les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et des classiques du passé dans C'était fou. Et en troisième heure, on va visiter un petit peu la section ailleurs dans les Palmarès. Mais en cette première heure, new shit, on a 5 nouvelles entrées à se mettre sous la dent. D'ici la fin, j'ai oublié de vous dire que d'ici la fin, il faut que j'oublie une affaire. D'ici la fin, le numéro 1 francophone, on va savoir si c'était toujours, si c'est toujours Galaxy avec Dragon. Et en anglophone, si c'est Danko Jones avec Do You Wanna Rock. Voilà. Mais maintenant, là, présentement, en ce moment, live, en direct, c'est les nouvelles entrées. Donc, il y en a 5. On va entendre plus tard le groupe Violence. Il y aura aussi L. King ainsi que Dead Cab for Cutie. Mais on va débuter avec les 20e places en anglophone, Viet Cong avec Newspaper Spoons. Et en francophone, ce qui va débuter l'émission au grand complet, c'est Philippe Braque et un nouvel extrait de l'album La Foire et l'Ordre. Voici à Ravin au Palmarès, c'est fou. Tu me téléphones avec ton téléphone. Tu m'attends avec ton temps. Tu ne m'écoutes pas avec tes oreilles. Tu ne vois rien avec tes yeux. Pourquoi tu me chies pas dessus avec ton cul? Je me suis toujours demandé s'il valait mieux rester dans ta tête que sur mes deux pieds. S'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît qu'elles en te plaignent. Fait que j'ai décidé d'aboucher pis de te flusher. Pis de te flusher. Parce que si t'étais un char, je serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben je serais ton ravin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, je prendrais plus long. Fun qu'à t'en prenne. Sur le seuil de ta porte, j'ai fini d'attendre. À comme une citrouille fin avant. Est-ce même plus une question d'être capable, mais de joindre l'utile au désagréable. Parce que si t'étais un char, j'serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben, j'serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, j'prendrais plus long. telle entrée. Kong et Newspaper Spoons sur leur album homonyme Viet Cong. On va entrer en 20e place anglophone. Et en franco, on a entendu Philippe Braque et une pièce, un nouvel extrait de l'album La Foire et l'Ordre qui s'appelle Ravin. Je pourrais même pas vous dire combien ça fait de pièces qu'on a jusqu'à maintenant. On a eu de sa part Dans ma tête. Ça, je sais. Je pense qu'on a eu C'est tout oublié. Et Le matin des raisons, ça serait minimum le 4e extrait de Philippe Braque. Il nous reste un autre bloc de nouvelles entrées, le dernier pour cette semaine. Plus tard, là-dedans, il y aurait L. King, que j'ai adoré la première fois qu'on l'écoutait à Assemblage Requis. Et un de mes groupes préférés à vie, Death Cab for Cutie. Tout ça de ce côté anglophone, mais on débute en 19e franco. Voici Violence et l'invention du divertissement au 89 FM. C'est fou! Thank you. Nouvelle entrée. Showed him all the things that he didn't understand. Whoa. but they never wanna leave. King et X's and O's, nouvelle entrée en 18e place sur l'album Love Stuff. C'est son premier album complet pour L. King. Elle avait sorti un maxi, The L. King EP en 2012 et quelques simples. C'est une fille qui est connue sous le nom de L. King, mais qui s'appelle Tanner L. Schneider. C'est la fille de l'acteur américain, de l'humoriste Rob Schneider. Incroyablement vrai. Style soul, rock et blues. C'est un humoriste que j'aime pas, Rob Schneider, mais Colin, il a fait une belle progéniture. Elle est très très bonne, très intéressante. Elle a sa petite voix, un petit quelque chose que j'aime beaucoup. Donc L King, E-L-L-E, et puis King. Avant ça, on a entendu Dead Cab for Cutie et leur nouvel extrait, Black Sun, sur leur nouvel album Kintsugi. Premier album depuis 2011, Codes and Keys en 2011. Avant ça, 2008, Narrow Stairs. Avant ça, Plans en 2005. 2003, Transatlanticism. Avant ça, 2001, 2000, 92, 97. Ils étaient plus productifs au début de leur carrière. Maintenant, ils espèrent leurs albums d'un bon 2, 3, 3 et 4 ans. 4 ans, c'est ça, 4 ans. Depuis Codes and Keys. Retour pour ce petit groupe américain formé à Bellingham, Washington en 1997. Et au tout début du bloc, c'était Violence, en fait, parce que c'est un groupe qui chante en français. Donc, l'invention du divertissement sur l'album Le Théâtre EP. Violence, nous dit-on, c'est un groupe formé d'Éric Trottier et Julie Morin-Ferron. Voix supplémentaire de d'autres. Ouais, j'essaie de voir, les informations sont pas super nombreuses. Page Facebook, si vous tapez Violence, c'est celui qui dit Violence Entertainer avec deux personnes aux consoles. Et puis c'est violence.bandcamp.com. Voilà pour les nouvelles entrées de cette semaine. C'était donc les 5 pièces. Et étant donné qu'on a étant donné qu'on a accueilli 5 pièces, faut dire au revoir à 5 autres. Voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? N'oublie pas la couleur. Ne décide

Du côté anglophone, on saute la 17e White Horse et Downtown qui est là depuis 10 semaines. En 16e, Bell and Sebastian et The Party Line qui est là depuis 5 semaines. En franco, on en saute 3. En 18e, Amor Blitz et Kilimanjaro qui est là depuis 10. En 17e, La Danse des Morts, 8 semaines pour cette pièce de 8 clos. Et en 16e, c'est stable, Club Italien de Le Couleur qui est là depuis, donc c'est ça, 8 semaines sur l'album Dolce Désir. On s'en va au 15e place. En anglophone, ce sera The Moors et Youth qui descend d'une place qui est là depuis 6 semaines. Mais avant ça, une nouvelle entrée de la semaine passée. Voici Lubic et Cowboy. Le 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Hi-ha! We'll be right back. Et The More, c'est Youth, position numéro 15 qui descend d'une place. Et en francophone, c'était Libé qui est Cowboys et qui monte de 5 places de nouvelle entrée la semaine passée de l'album jusqu'au bout de tape. On continue tout de suite hein, parce que le prochain bloc va être long. Ça inclut une pièce de 8 minutes qu'on fait pas tout le temps jouer par le Récit Fou étant donné le manque de temps, mais on va se sacrifier cette fois-ci pour la faire jouer. Donc en anglophone, ce sera Del Bell et In My Solitude qui descend de 3 places. Et en francophone, ben la voici, la longue pièce de Le Cri du Chat. Elle descend de 2, Danse Sauvage. Pas mal assez fou sur les 89 FM. Thank you. Je le dis à chaque fois, mais j'entends tellement cette chanson-là dans une trame sonore de James Bond. Dale Bailey, In My Solitude, qui descend de la 3e à la 14e place, malheureusement, du côté anglophone. Alors qu'en franco, c'était Le Cri du Chat et l'extrêmement longue Danse Sauvage, qui descend de 2 cinquièmes semaines de présence pour cette pièce qui vient d'album Pourquoi Personne ne regarde. On saute par-dessus les 13e. En francophone, Lita et La Mélancolie nous sort du nez, et en anglophone, Towers et Rooftop. Peut-être qu'on les entendra plus tard, on ne sait pas, probablement pas, par exemple. Prochain numéro 12 maintenant, en anglophone, c'est The High Dials et Yester Graves qui descend de 3 places. Et en francophone, ça monte de la 19e, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Voici Salomé Leclerc et la très calme Vers le Sud, qui en plus prend son temps pour démarrer et se rendre jusqu'à sa destination qui est le début de la chanson. Voilà, c'est des palmarès assez fous, 89 FM. Thank you. Pensez rapporter la lune à bout. The High Dials et Esther Graves. Ça descend de 3 places en 12e position anglophone et en 12e franco, c'était Salomé Leclerc et Vers le Sud qui monte de 7 places. Malheureusement, comme la plupart du temps, on n'a pas le temps de jouer les positions numéro 11, donc on saute par-dessus en 11e francophone les Marinellis et un Ondi qui monte de 4 places et en anglophone, Joel Plaskett, ça c'est triste, avec The Park Avenue Sobriety Test qui monte de 2 places sur l'album qui porte aussi le nom de The Park Avenue Sobriety Test. On prend une pause, on revient avec une deuxième heure et la portion top 10 de l'émission. Là-dedans, il y aura Summerland, Émilie Cornu, Deux Pouilles en Cavale, Modest Mouse, No Island et Napalm Pom. C'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou. Restez avec nous. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Ça passe vite 2 minutes. Hein? C'est la deuxième heure des Palmarès pour la semaine du 13 au 19 avril 2015. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et dans cette heure numéro 2, c'est la portion top 10. Donc on va entendre les positions 10 à 6, mais c'est aussi l'heure où il y a le plus de chroniques. Parce qu'il y en a deux, puis les autres en ont une. Fait que c'était pas dur à battre, mettons. Donc dans cette deuxième heure, il va y avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine passée. Et aussi la section C'était fou, dans laquelle on retourne dans le passé. Encore plus loin que dans ailleurs que dans un instant classique. Quand même, hein, un instant classique, ça se me passe. Donc c'est là 6 ans, je pense. Il me semble qu'on retourne en 2009. Voilà, 2009. Bref, cela étant dit, commençons par nos 10e places. Hein, c'est celle qui a donné son nom à la portion de l'émission. Donc, du côté anglophone, ce sera Autopilot et Desert Dreams qui montent de 2 places. Et en francophone, on débute tout de suite avec Summerland qui monte de 4. Voici juste un peu trop. Ça, c'est fou dans vos oreilles. Thank you. même si je la retrouve à bas du pont. Cold.

de lumière, que je sois la mer. Fou de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. 8. Position numéro 8, ça monte de 3 places, 4e semaine de présence, et avant ça, Émilie Cornu et 3 pistoles qui est stable en 8e francophone. Voilà. On va passer tout de suite aux prochaines places, les 7e en fait, ça descend de la 5e du côté anglophone, Napalm Pam et Seamstress, mais tout de suite voici deux pouilles en cavale et gris pain stable en francophone. C'est les palmarès, c'est fou. We'll be right back. J'ai dit bâti comme une brique. Mes émotions coulaient dans le béton. Les Seamstress, c'est position numéro 7 qui descend de 5 places en anglophone. Et avant ça, deux poules en cavale. Deux pouilles en cavale, pas deux poules, quand même. Ça n'a aucun sens. Avec Grippin qui est stable du côté francophone. Avant de passer aux 6e places, c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou. Si on recule à la semaine du 10 avril 2009. La pièce est rouge et j'ai le mal de mer. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser.

c'était le bloc C'était fou pour la semaine du 10 au 16 avril 2009. On a débuté avec le numéro 1 francophone, Chinatown, avec Apprendre à danser. C'était un single de l'époque. Et en première place anglophone, c'était The Gaslight Anthem et The 59 Sound, la pièce titre de leur album, donc The 59 Sound. Et en bonus, j'avais choisi Vanessa Pariétaire, qu'on vient d'entendre avec Vanessa Pariétaire sur leur démo. Voilà pour le bloc C'était fou de la semaine du 10 avril 2009. On retourne à nos palmarès du présent, de l'instant présent, Carpe Diem, donc du 13 au 19 avril 2015. En 6e anglophone, on trouve Milk and Bone et Coconut Water qui montent de la 18e, c'était nouveau la semaine passée. Et on débute avec Navaire qui est là depuis 3 semaines stable en 6e francophone. Voici Trouver Asile au 89 FM, c'est les palmarès. Tu es belle. Fruity lipstick. Le duo Milk and Bone et Coconut Water. Pour ce numéro 6, ça monte de 12 places et c'était nouveau la semaine passée. Et en francophone, on a entendu Navarre et Trouver Asile qui est stable. Ah, c'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve pour une dernière, une troisième heure avec le top 5 là-dedans. On va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 francophone est toujours Galaxy et Dragon. Et en anglophone, Danko Jones avec Do You Wanna Rock. C'est dans la troisième heure des Palmeurs assez fous. Restez avec nous. C'est la troisième heure des Palmeurs assez fous pour la semaine du 13 au 19 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette dernière heure, c'est le top 5, donc la crème, ce qui est monté au sommet depuis les derniers temps, là, ce que les animateurs ont fait le plus jouer. On va aussi avoir la section ailleurs dans les palmarès pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Le top 30 des albums, le top canadien, le top loud, le top musique du monde, tout est là tout à l'heure. Mais on va débuter avec un petit bloc de 4 pièces. On va entendre là-dedans La Bronze, Two Gallants et Twin River, mais on débute en position numéro 5 francophone, c'est Mastic, avec une pièce là, depuis quand même 7 semaines, mais elle descend de 2. Voici Nouveaux Empires. 89.1 FM et pas le reste.

Two Gallons et Fools Like Us, quatrième position anglophone qui monte de 4. Et en francophone, la bronze avec Explose Moi. Wouhou! C'est stable en quatrième. Et c'est deux de mes pièces préférées dans le palmarès en ce moment. Donc je pense que je dirais que c'est les positions de la semaine pour moi. Et en cinquième place, avant, on a entendu Twin River et Band to Break, qui était une nouvelle entrée la semaine passée, qui monte de 15 places. Et en franco, au début du bloc, c'était Mastic et Nouveaux Empires, qui descend de 2. On passe maintenant en troisième place. Tout à l'heure, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ça s'en vient dans quelques instants. Mais donc, troisième position anglophone, Humans et Follow qui monte de 3 places. Et tout de suite, les incendiaires descendent une. Voici Pink Venus au 89.1 FM. C'est les palmarès. C'est fou! We'll be right back. C'est Follow pour ce numéro 3. Ça monte de 3 en anglophone. L'album s'appelle Noontide. Et avant ça, les incendiaires Pink Venus descendent une place. Et leur maxi s'appelle Pink Venus. Tantôt en deuxième place, on aura Ponctuation et Danko Jones. Mais avant ça, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section d'émission où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des suites canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par le top 30 des albums. Il y a 3 nouvelles entrées. En 30e place, Great Lake Swimmers et le retour de ce groupe avec l'album A Forest of Arms. En 20e place, c'est la nouvelle entrée du 20e du top 20 anglophone, Dead Cat for Cutie avec Kintsugi. Et même chose en 19e place, L King avec Love Stuff qu'on a entendu en début d'émission. Dans le top 3, en 3e place, ça monte de 3, Humans avec Noontide. En 2e place, c'est Danko Jones, lancé numéro 1 avec Fire Music. Et évidemment, je ne dis pas le numéro 1 parce que ça dévoile le punch. Dans le top 3, les tickets canadien en 3e place, Humans avec Noontide, et en 2e, Danko Jones avec Fire Music. Encore une fois, on saute la première place. Dans le top 10 loud, 3 nouvelles entrées. En 10e place, Uli John Roth avec l'album Scorpions Revisited. En 9e, l'album Quiet World par Native Construct. Et la prochaine nouvelle entrée est en 3e place, donc on va faire le top 3 tout de suite. En 3e, Judas Priest. Et la nouvelle entrée, Defenders of the Faith, 30th Anniversary. En 2e, c'est stable, Van Halen et Tokyo Dormin Concert. Et en première place, 5e semaine de présence, c'est stable aussi, Enslaved et l'album In Times. Dans le top 5 musique du monde, on a 2 nouvelles entrées. Et je pense, la nouvelle tradition d'avoir 2 nouvelles entrées en fond de palmarès. Donc on fait le top 5 au complet, c'est de même que ça donne. Donc en 5e place, nouvelle entrée, la pièce Espina de Bacalao par l'artiste Anat Cohen sur l'album Luminosa. En 4e, nouvelle entrée de Hawa, la pièce Habib Galbi par, sur l'album Habib Galbi. En 3e place, ancien numéro 1, Painting Silhouettes, une pièce de Quantic. En 2e, ça monte de 2, c'est Calexico et l'extrait Kumbaya de Donde. Et en première place, ça monte de 1, Angelique Kidjo et la pièce Bumba, le Bumba, pardon, pas Bumba quand même. Bumba, Philly Remix featuring ZZ Ward sur l'album Bumba, Very Remix. J'imagine que c'est un simple, voilà. C'est confirmé, c'est bien un simple. L'extrait que je vous ai choisi dans cette section ailleurs des palmarès cette semaine, c'est dans le top 5 musique du monde, c'est la nouvelle entrée en 4e place. Donc voici à l'instant Awa et la pièce Habib Galbi, tout de suite ailleurs dans les palmarès. Thank you. C'était Awa avec Habib Galbi sur l'album, sur un simple en fait, qui s'appelle aussi Habib Galbi. Dans la section ailleurs, dans les palmarès, c'était une nouvelle entrée en quatrième place de ce top 5 musique du monde. Et vous pouvez entendre le palmarès au complet dans Palmarès du monde. Quel drôle d'allon, les jeudis à partir de 16h. Soyez-y, ça repasse aussi les lundis en fin de journée. Alors, on retourne à nos positions top 20, à nos top 20 francophones et anglophones. On est rendu aux positions numéro 2, là, on va se le dire dans l'ordre quand même. Donc, position numéro 2 anglophone qui est occupée par Danko Jones avec l'ancien numéro 1, Do You Wanna Rock. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 en anglophone. Alors qu'en francophone, on ne l'a pas encore entendu. Et je peux maintenant vous avouer, sous force de me tordre le bras, que le numéro 2 est occupé par Ponctuation et Météo. Et si vous avez écouté tantôt, c'était pas ça le numéro 1 de la semaine passée. Oh wow, en effet. Donc on s'en va entendre tout de suite. Ponctuation, voici Météo au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Dans la zone 89.1. Deux. Watching us and watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna ride? Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna ride? Dango Jones et Do You Wanna Rock, l'ancien numéro 1 anglophone qui descend d'une place. Et en francophone, ça monte de 3 ponctuations avec Météo sur l'album La Réalité Nous Suffit. Voilà, on est déjà rendu au numéro 1. Ça passe vite tout ça, ça passe vite. Et ça passe, ça s'en va, ça crache le feu au sommet, ça crache le feu. Comme dans l'espace, je pense. Mais sauf que si un dragon souffle du feu dans l'espace, je pense qu'on l'entend pas souffler. Hein. Donc, Galaxy avec Dragon. Et en anglophone, on a beau m'intimider, je ne vaurai jamais le numéro 1 anglophone. Sauf lorsque c'est le moment de le faire. Donc, on va entendre Purity Ring et Push Pull qui montent de 6 places. C'est vraiment écœurement bon comme chanson. Donc, écoutons ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, Galaxy et Dragon dans les pommes à Sifu. première position. Côté, on vient d'entendre Purity Ring et Push Pull sur l'album Another Eternity et avant ça, Galaxy avec Dragon qui est stable en francophone sur l'album Zulu. Il nous reste encore un petit peu de temps avant de terminer l'émission, une quinzaine de minutes environ, donc on va s'entendre quelques pièces qu'on a précédemment sautées. Débutons avec les positions numéro 11 en anglophone. On n'a pas entendu Joel Plaskett et The Park Avenue Sobriety Test et en francophone, on va débuter avec ça, les Marinelli. Voici On dit tout de suite dans les panneaux assis. We'll be right back.

and it's killing me. C'était White Horse et Downtown. Position numéro 17, anglophone stable. Avant, on a entendu Joel Plaskett et The Park Avenue Sobriety Test qui montaient de 2 à 11e anglophone. Et on a entendu au début du bloc la 11e francophone qui montait de 4. C'est les Marinelli et Ondi. C'est tout pour les Pavards assez fous de cette semaine. On se retrouve mercredi prochain entre 15h et 18h. Après nous, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. Et ensuite, les Audacieuses avec des découvertes musicales à 19h. On passe le vendredi entre 17h et 20h. Après nous, les Bonnets Rouges jusqu'à Eponka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une dernière pièce qu'on avait sautée dans l'émission d'aujourd'hui. C'est celle de Towers et Rooftop qui descend de 3 places. Et c'est là-dessus qu'on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Ah, bye!